J'écrase le pas de la porte, je m'écrase comme un rat. Escalier qui est trop mouillé, je me retrouve à sauter. Je passe le pas de la porte, je m'écrase comme un rat. L'escalier qui est trop mouillé, je me retrouve à sauter. Dans les